Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, deuxième volet de notre série Crimes non élucidés, l'un des derniers tueurs en série à entrer dans l'histoire des crimes non résolus aux côtés de Jack l'Éventreur, le tueur du Zodiac. Entre décembre 68 et octobre 69, une série de meurtres jette l'effroi sur la région de San Francisco. Un serial killer fait régner la psychose, franchissant à chaque fois un degré supplémentaire dans l'escalade de l'horreur. Ce qui glace le sang, à part ces 37 meurtres revendiqués, c'est que l'homme semble n'avoir aucun mobile précis, hormis celui peut-être d'être connu, une pathologie sociale bien connue, si je puis dire, en tout cas qui peut rendre fou, la preuve. Après chacun de ses meurtres, il adresse une lettre à la police et aux journaux locaux, dans lesquels il raconte avec délectation ses forfaits et s'étend particulièrement sur sa cruauté, qui devient signature. Et puis il y a ces codes mystérieux qui dissimulent des indices et qui déroutent les spécialistes les plus pointus en cryptographie. Enfin, toutes les missives du tueur sont signées par un symbole, comme un paraphe, lui aussi, un rond recouvert d'une croix, comme la cible d'un fusil à lunettes. Quant au codicille, car il y en a souvent dans ses envois, il dit « J'attends qu'un bon film raconte mon histoire ». Notre invité aujourd'hui, Corinne Hermann, avocate à Paris, spécialiste des affaires criminelles au sein d'un pôle spécifique qui traite des affaires anciennes et non résolues. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire, Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay et Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Pourriez-vous décrire brièvement ce qui s'est apparemment passé la nuit dernière ? Oui, nous avons eu un double homicide qui a eu lieu sur une route départementale. Peu après 11 heures la nuit dernière. Un double homicide dont les victimes étaient jeunes. Une fille de 16 ans et un garçon de 17 ans. Ils ont été abattus. Il est possible qu'ils aient reçu l'ordre de sortir de la voiture par le coupable. Le garçon a été abattu juste de ce côté de la voiture et la fille a apparemment essayé de courir. Elle a été abattue et retrouvée 15 mètres plus loin. Vous avez une idée de quel peut être le mobile de ce criminel ? Nous n'avons pas de mobile pour le moment. Ce samedi 21 décembre 1968, le shérif du comté de Valero répond au journaliste de Crown TV Channel 4 comme un automate. Il est dans un état de sidération. La scène de crime qu'il a découverte est totalement inédite. La veille au soir, deux jeunes étudiants, David Faraday et Betty Lou Jensen, sortent d'un concert. C'est vendredi, c'est leur tout premier rendez-vous, alors ils décident d'aller admirer le clair de lune. Tout à leur passion naissante, ils cherchent un petit coin tranquille, romantique, pour flirter. À 30 km au nord-est de San Francisco, il y en a un parfait. Dédié même à ce genre de moments intimes. C'est un parking ravillonné, perdu par-delà les collines, entre des pâtures et des carrières, très à l'écart de la population. Ce lieu baptisé Lover's Lane borde la départementale Lake Herman Road, celle qui relie deux cités ouvrières abandonnées, Valero et Benicia. Aux alentours de 23h15, une voiture se gare derrière le couple. Sans sommation, le conducteur sort et leur tire dessus. David n'a pas le temps de sortir de son véhicule. Il prend une balle en pleine tête, à bout portant. Betty Lou tente de fuir, en vain. Elle est retrouvée 15 mètres plus loin avec 4 balles dans le dos. Son forfait commis, le tueur remonte dans sa voiture et décampe sans laisser de traces, ni de témoins. Pendant des mois, les policiers vont enquêter pour tenter de comprendre qui aurait pu en vouloir à ces deux jeunes gens, car il n'y a ni indication de vol, ni même d'agression sexuelle. 6 mois plus tard, un début de réponse arrive. Le 4 juillet 1969, le tueur s'attaque à un autre couple de jeunes gens, Darlene Ferrin, 22 ans, et Michael Maggio, 19 ans. Vers minuit, une Chevrolet beige braque ses phares sur la voiture des amoureux. Le conducteur descend, s'approche d'eux et leur tire dessus. À 0h40, la police de Valero reçoit un coup de téléphone. C'est la voix d'un homme mature et sans accent qui parle de façon mécanique. Il dit « Je veux signaler un double meurtre. Si vous allez à 1,5 km à l'est de Columbus Parkway vers le parc public, vous trouverez des gosses dans une voiture marron. Je les ai tués avec un Lager 9 mm. J'ai aussi tué des gosses l'année dernière. Au revoir. Les policiers se précipitent. Mais il est déjà trop tard pour Darlene. Mike Maggio, lui, en revanche, a survécu. Et il donne la première description du tueur, explique comment son couple a été agressé. Il s'est approché de notre voiture sans dire un mot et il a déchargé son revolver sur nous. Nous n'avons pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. C'est un homme blanc, assez jeune, de taille moyenne, aux environs d'1m75. Plutôt costaud. Je dirais 90 kilos. Avec un visage assez large et les cheveux bruns. Il porte de lourdes lunettes à écailles noires. L'homme est du genre Monsieur Tout-le-Monde, comme beaucoup de serial killers. Mais son portrait robot reste imprécis. Il faut dire qu'il faisait noir au moment des faits. Mike Maggio a été pris par surprise. Et puis, les policiers sont sceptiques. Car enfin, tuer sans mobile, oui, ça arrive. Mais ça reste tout de même exceptionnel. Alors on enquête sur le passé des deux jeunes gens pour trouver un motif à ce crime. La jalousie, pourquoi pas. Darlene est une femme mariée, mais cette piste est écartée, le mari était chez des amis. On compare alors ce meurtre à celui de décembre 68. Même mode opératoire, même profil de victime. Les enquêteurs se rendent à l'évidence, ils ont affaire à un fou. Le problème, c'est qu'il ne va pas en rester là. On le sent et on craint un troisième meurtre. L'attente angoissante est rompue le 1er août. Trois journaux locaux, le Valero Times Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner, reçoivent une lettre étrange. Un texte rempli de fautes d'orthographe et de grammaire, écrit d'une main malhabile, mais aussi une feuille couverte de 408 symboles disposés de manière régulière sur toute la page. L'homme annonce « Je suis l'assassin des deux adolescents tués à Noël au lac Herman et celui de la jeune femme abattue le 4 juillet. » Pour vous le prouver, je vais préciser quelques faits que seule la police et moi connaissons. Et de fait, tout concorde. Le type de munitions utilisées, la position des corps, les vêtements que portaient les deux jeunes filles, jusqu'à la broche en forme de trèfle à quatre feuilles que Betty Lou portait. Des informations toutes parfaitement exactes. Mais c'est le déchiffrage du code qui glace le sang. Il aura fallu une semaine à deux spécialistes pour décrypter ce message composé d'un mélange de lettres à l'endroit, de lettres à l'envers, de caractères grecs, de symboles mythologiques égyptiens et asiatiques, de gravures laissées par les Indiens sur les parois des grottes et de signes astrologiques ou astronomiques. L'homme est fou, mais déterminé. J'aime tuer les humains, parce que c'est plus amusant que de tuer le gibier dans la forêt. Car l'homme est l'animal le plus dangereux de tous les animaux. Tuer me procure une expérience excitante. C'est encore mieux que de s'envoyer en l'air avec une fille. Quand je mourrai, je renaîtrai au paradis. Et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom, parce que vous essayeriez de ralentir ou d'interrompre ma collection d'esclaves pour l'au-delà. Signé Zodiac. Zodiac, Z-O-D-I-A-C, six lettres, qui dès lors vont faire trembler toute la baie de San Francisco. Car le message est clair, il faudra abattre le tueur avant qu'il ne tue encore. D'autant qu'il promet de faire de nouvelles victimes si ces lettres ne sont pas publiées en une des journaux. Dans celle-ci, par exemple, il prétend cacher son identité dans le cryptogramme. Eh bien c'est raté, parce que le 2 août, trois morceaux du message crypté sont publiés, avec un mot du chef de la police de Valero, Jack Steels. Il demande au tueur une nouvelle lettre dans laquelle il faudrait plus de faits avérés afin de prouver qu'il est vraiment l'assassin. Dès le 4 août, dans le San Francisco Examiner, le Zodiac s'exécute. Le ton est moqueur, il nargue les détectives de San Francisco, incapables de l'identifier, et se met à signer ses lettres d'un symbole composé d'un cercle et d'une croix. Le FBI prélève plusieurs empreintes digitales qui malheureusement ne correspondent à aucune trace connue de leur fichier. Deux mois plus tard, le 27 septembre, les autorités du comté de Napa, situé à 90 km au nord-est de San Francisco, reçoivent un appel. Je veux signaler un meurtre. Non, un double meurtre. Ils sont à 3 km au nord de Headquarters, dans une Volkswagen Karma Gia blanche. Je suis celui qui les a tués. Quelques heures auparavant, Cecilia Shepard et Brian Hartnell se sont arrêtés près du lac Berecia pour pique-niquer. Alors qu'ils sont allongés, un homme les aborde. Arrivé à leur hauteur, il enfile une cagoule rectangulaire noire sur laquelle un insigne brodé, la cible du Zodiac. L'homme les menace et réclame leur voiture pour partir au Mexique. Les jeunes gens tempèrent. Le malfaiteur semble se calmer, mais d'un coup, il s'empare d'une corde à linge et demande à Cecilia d'attacher les mains de Brian, puis la ligote à son tour. Brutalement, il les allonge au sol. Cecilia et Brian se regardent terrorisés. Le tueur masqué s'adresse à eux calmement et leur explique qu'il va les poignarder. Ce qu'il fait tout aussi froidement. 6 coups dans le dos pour Brian, 10 pour Cecilia, 5 dans le dos, 5 sur le ventre. Sous la douleur, elle s'est retournée. Avant d'abandonner ses victimes, le monstre prend le soin de dessiner son symbole avec un marqueur noir sur la portière de la voiture de Brian et note les dates des précédents meurtres. Les deux jeunes gens sont encore vivants quand l'ambulance arrive. Cecilia succombera 2 jours plus tard. Le 30 septembre, Brian témoigne sur la chaîne CBS. Je pensais que c'était un voleur. Je n'avais absolument pas pensé qu'il était autre chose que ça. Et je n'ai pas envisagé de menace réelle contre ma vie ou celle de Cecilia. Mais je voulais vraiment l'aider. Et il vous a semblé qu'il aimerait bien votre aide? Non, pas du tout. Il n'a pas voulu d'aide. Il n'a même pas voulu prendre l'argent. Je ne pense pas qu'il était pleinement conscient de ses actes. Quand un homme est comme ça, malade, si vous prenez en compte le sens du mot malade, alors vous ne pouvez pas lui en tenir rigueur. Mais le vrai problème, c'est qu'il ne recommence pas. J'aimerais voir des gens sauvés, que cette expérience soit vraiment la dernière. Sur les lieux du crime, les enquêteurs relèvent des empreintes de pas, des Rangers taille 44 enfoncées profondément dans le sol. Il s'agit donc d'un homme, un costaud. Alors il compare avec un policier de 95 kilos. Or, son pas n'est pas aussi enfoncé que celui de l'assassin, dont on pense alors qu'il ne peut pas courir. Grâce au témoignage de Brian, les enquêteurs affinent le portrait robot du tueur. Mais surtout, ils commencent à dessiner un profil psychologique. Un homme d'environ 30 ans, solitaire, corpulent, à la démarche incertaine, on estime qu'il pourrait travailler dans le domaine militaire. Et on le voit de plus en plus clairement, il veut qu'on parle de lui. Thrown like a star in my vast sleep, I open my eyes to take a peek. To find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy sang. Hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy-hurdy-gurdy. Hurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurdy-gurd Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Bits and pieces of information. Voici quelques informations recueillies par certaines personnes qui veulent aider à attraper le tueur du Zodiac. La police est maintenant convaincue que c'est le meurtrier du chauffeur taxi de San Francisco qui a envoyé un bout de tissu ensanglanté au San Francisco Chronicle. Les tests effectués sur les vêtements de Paul Stein prouvent que le sang vient de la chemise du chauffeur de taxi, qui a été retrouvé mort samedi soir à Presidio Heights. Et les analyses comparatives sur quatre échantillons de lettres démontrent que c'est le même homme qui a commis ces meurtres. Un ici, trois à Vallejo et un à Napa dans les 10 derniers mois. Toutes ces lettres ont été postées de San Francisco. La police suppose que le tueur travaille ou vit dans la ville. Dick Carlson, reporter pour ABC News, rapporte une information qui ne va pas arranger la psychose. L'homme qui a tué ce chauffeur de taxi en plein cœur de ville à New York est le même que celui qui a attaqué 3 couples de jeunes gens en pleine campagne dans la baie de San Francisco. Les faits. Le 11 octobre 69, Paul Stein prend en charge un client à Union Square. Une course qui se conclut en guise de règlement par une balle dans la tête à bout portant. En entendant le coup de feu, 3 adolescents qui sont dans une chambre d'hôtel, juste en face, appellent la police. Dans la panique, les témoins ont du mal à voir précisément ce qui se passe, et ils parlent d'un homme, un noir. Pendant ce temps, le tueur est encore sur place. Il fait le tour du véhicule, se penche par la fenêtre avant, prend les clés et le portefeuille du chauffeur. Il coupe ensuite un grand morceau de la chemise du mort, la trempe dans son sang et l'emporte avec lui, avant de s'éloigner calmement vers le nord. Quelques mètres plus loin, 2 policiers qui ont entendu l'appel lancé sur toutes les radios des patrouilles croisent un homme qui correspond à la description. Il s'approche pour l'appréhender, mais l'individu est blanc. Alors il le laisse passer. Dans l'obscurité, ils n'ont pas vu que son blouson était couvert de sang. Alors quand ils entendent « alerte à tout le véhicule, l'homme recherché est blanc », il est trop tard. Le suspect a disparu. Ce meurtre qui brouille encore les pistes sur les motivations du Zodiac et qui va nourrir toutes les frustrations va tout de même faire avancer l'enquête. Le 18 octobre, en effet, le FBI diffuse un portrait robot affiné de l'assassin. Un homme de 35-40 ans, d'environ 1m70, dans les 85-90 kilos, trapu, teint clair, lunettes épaisses. L'affaire du Zodiac commence à intéresser les médias nationaux et la police reçoit des appels sur l'éventuelle identité du tueur provenant de Houston, Atlanta ou Saint-Louis. Les enquêteurs de la côte ouest des États-Unis commencent à considérer que le tueur du Zodiac pourrait être l'auteur de certains de leurs meurtres irrésolus. Le 20 octobre, le capitaine Lee de la police de San Francisco donne une conférence de presse. There are several little changes in the tenor of this letter. Il y a plusieurs changements dans le ton de cette lettre par rapport aux autres. Pour la première fois, il démontre une forte hostilité envers la police. Maintenant, nous sommes des cochons bleus, etc. Il n'était pas particulièrement intéressé à notre profession avant ça. Il précise aussi qu'il n'a plus l'intention de correspondre avec nous et de nous donner plus d'informations sur les scènes des crimes qu'il a commis. Nous sommes certains que nous allons bientôt arrêter cet homme. Nous allons l'avoir. Et certaines preuves doivent être cachées au public. Nous ne pouvons pas voir dans la presse des informations que nous avons découvertes. Je ne peux pas vous les transmettre, mais je peux vous affirmer qu'il y a beaucoup de preuves de différentes sortes. Ce meurtre prouve aussi que le tueur fait évoluer ses méthodes. Alors qu'il obéissait à un schéma défini, des jeunes couples dans des lieux isolés, il tue aujourd'hui n'importe qui et en pleine ville. Et il semble ne pas avoir peur. Pire, il provoque. La police de San Francisco aurait pu m'attraper, dit-il dans une autre lettre. S'ils avaient cherché correctement dans le parc, au lieu de faire la course avec leur moto pour voir qui faisait plus de bruit, ils auraient pu simplement garer leur voiture et attendre tranquillement que je sorte de ma cachette. Deux jours après, autre lettre, avec un second morceau de tissu imprégné de sang. L'auteur y fait état d'une machine de mort qu'il aurait créée et qu'il s'apprête à utiliser contre les bus d'écoliers. Les enfants des écoles font de belles cibles. Je pense que je vais éliminer un bus d'écoliers un de ces matins. Tirer dans un pneu avant et tirer sur les gamins qui sortiraient. Pour ne pas attiser la peur, la police tait cette information. Mais le Zodiac a besoin de reconnaissance, encore et toujours. Je vais tuer. Tuer. C'était la voix d'un homme qui se fait appeler le tueur du Zodiac. Il parlait à l'avocat Melville Belay par téléphone. Cette étrange situation a commencé à 2h ce matin, lorsque le soi-disant Zodiac a téléphoné à la police du quartier. Il a dit qu'il était malade, qu'il avait besoin d'aide et qu'il voulait parler à Belay à la télévision. J'ai des maux de tête. Depuis quand avez-vous ces maux de tête ? Je vais tuer les enfants. Je vais tuer ces enfants. Lorsque le 24 octobre 69, un homme qui prétend être le Zodiac contacte la chaîne ABC, Gene Dunbar, l'animateur de l'émission phare de la chaîne, annule tous ses invités pour laisser place au tueur. Après cette conversation surréaliste, l'avocat des stars hollywoodiennes Melvin Belay propose au tueur une rencontre pour lui apporter un soutien personnalisé. Zodiac ne s'y rendra pas. Belay n'est pas certain qu'il s'agisse du célèbre tueur, mais il n'est pas certain non plus qu'il ne s'agisse pas de lui. Non, ce qu'il peut affirmer, c'est que l'homme avec lequel il a parlé arrive à un point culminant de sa psychose et qu'il semble déterminé à tuer des enfants. Alors les forces de police, qui ne veulent prendre aucun risque, bien sûr, postent des sentinelles armées près des écoles, surveillent les enseignants et les chauffeurs. Des pompiers escortent les cars scolaires. La population est terrorisée. Le soir, les gens guettent derrière leurs portes et leurs fenêtres la moindre voiture qui longe les allées. Zodiac, un quart de XXe siècle, la version moderne du croque-mitaine. Le 27 décembre 69, comble de la provocation, Melvin Belay reçoit une carte de Noël à son bureau. Un chaleureux message de bonne fête, accompagné d'un morceau de chemise, celle du chauffeur de taxi. Trois mois passent sans aucun signe du Zodiac. Le 22 mars 1970, une jeune femme portant un enfant contre elle arrive au poste de police de Paterson. Kathleen Jones, 23 ans, vient de vivre l'enfer. Alors qu'elle roulait sur la Nationale 122, près de Modesto, une voiture lui a fait de grands appels de phare, insistant pour qu'elle s'arrête. L'homme lui signale que sa roue arrière gauche vacille. J'ai une clé en croix dans le coffre, si vous voulez. Je peux resserrer vos écrous. Kathleen hésite, mais elle ne veut pas prendre le risque de perdre une roue en pleine nuit, seule, avec son petit garçon de 2 ans. Une fois les écrous resserrés, Kathleen repart, rassurée. Mais 100 mètres plus loin, la roue s'échappe. Et comme par hasard, l'homme providentiel n'est pas loin derrière elle. Et il s'arrête à nouveau et propose à Kathleen de l'emmener dans une station-service pour réparer cette roue. Elle n'a pas le choix. Elle prend son enfant endormi dans ses bras et s'installe sur le siège passager de son bienfaiteur. Dans la voiture, l'homme n'est pas très affable. Il marmonne. Au milieu de ses borborygmes, Kathleen entend très clairement « Je vais d'abord jeter ton enfant par la fenêtre, puis je vais te tuer. » Kathleen n'arrive pas à réaliser ce qu'elle entend. Mais quand au niveau de la station-service, l'homme continue de rouler sans s'arrêter, elle prend peur. Il avait l'air d'être en transe et il m'a dit que j'allais mourir, qu'il allait me tuer. Je me suis dit, ne panique pas, ne hurle pas, attends de voir ce qui va se passer. Il aurait pu s'arrêter à n'importe quel moment, me faire du mal. Il était physiquement beaucoup plus fort que moi. J'étais enceinte de 7 mois et j'avais mon petit garçon sur mes genoux. Quand on est arrivé à un stop, il a ralenti mais il ne s'est pas arrêté. Alors finalement, j'ai sauté de la voiture. Son enfant serré dans ses bras, d'instinct, elle court se cacher dans les bosquets qui longent la route, sans même sentir si elle est blessée ou si son enfant a reçu un choc. Tapie dans l'ombre, elle fait tout pour ne pas faire de bruit. Car le ravisseur s'est arrêté au milieu de la route et il la cherche. Viens, je vais te tuer, toi et ton enfant. L'horreur. Kathleen ne doit sa survie qu'à l'arrivée opportune d'un camion. Étonné de voir une voiture en plein milieu du passage, il fait des appels de phare et le criminel s'enfuit. Kathleen en profite, elle sort de sa cachette et demande de l'aide au camionneur qui l'emmène à la police de Patterson. Alors qu'elle est en train de décrire celui qui a voulu l'enlever, elle regarde le dessin accroché au mur. C'est lui, c'est cet homme qui a tenté de me tuer. Kathleen vient de désigner le portrait robot de Zodiac. Lorsque la police retourne à l'endroit où Kathleen a laissé sa voiture, il ne reste plus qu'un tas de cendres. Le tueur est revenu sur ses pas pour brûler ce qui pouvait le confondre. Kathleen Jones est ainsi la dernière personne à avoir vu le Zodiac. Désormais, il ne se manifestera pas, ou encore, et seulement, par des lettres. Le 24 juillet, le Chronicle en reçoit une. Elle semble écrite par un homme sous l'emprise de stupéfiants. Ses demandes deviennent farfelues. Il souhaite que les habitants de Bay Area portent un badge avec son symbole et il multiplie les fautes de grammaire. La 13e lettre, qui arrive 2 jours plus tard, s'inspire d'une opérette de l'ère victorienne, Mikado. Il y décrit les tortures qu'il veut infliger à ses 13 esclaves après leur mort. J'en attacherai quelques-uns au-dessus d'une fourmilière et je les regarderai crier. D'autres auront des éclats de pain enfoncés sur leurs ongles, d'autres resteront suspendus par leurs pouces et brûleront au soleil. Ou bien, non, je les écorcherai vifs, avant de les laisser courir en hurlant. Je vais avoir beaucoup de plaisir à infliger les plus délicieuses douleurs à mes esclaves. Le 27 octobre, Paul Avery, le journaliste du Chronicle, qui couvrait l'affaire, reçoit une carte d'Halloween. Une lettre où Zodiac attire son attention sur le meurtre non élucidé d'une jeune étudiante, Cherry Jo Bates, en 1966. Il en serait l'auteur, mais personne ne l'aurait interrogé à l'époque. Avery fait des recherches et met en relation les officiers de San Francisco avec ceux de Napa et de Solano. Le 16 novembre 70, il publie un article intitulé « Le Zodiac lié à la tuerie de Riverside ». Mais les enquêteurs ne sont pas d'accord. Non, pour eux, ce crime n'est pas l'œuvre du Zodiac, mais plutôt celui d'un homme en colère qui devait connaître la victime. Après 5 mois de silence, le 13 mars 1971, le Zodiac change de stratégie et envoie ses missives au Los Angeles Times. Ce sera la dernière avant 3 ans, sous forme de déclaration de guerre. C'est le Zodiac qui parle. Comme je l'ai toujours dit, je suis sans faille. Si les minables en bleu veulent m'attraper un jour, ils ont intérêt à remuer leur gros cul. Parce que plus ils farfouillent et glandouillent, plus je me trouverai d'esclave pour ma vie dans l'au-delà. Je dois leur reconnaître le mérite d'avoir découvert mes activités au bord du fleuve. Mais ils ne trouvent que les plus faciles. Il y en a plein d'autres. La raison pour laquelle j'écris au Times est la suivante. Qu'ils ne m'enterrent pas dans les pages intérieures comme certains autres. Les policiers tournent en rond. En mai 71, Zodiac les appelle pour les supplier de l'arrêter. En 74, il envoie une dernière série de lettres au Chronicle. Elles sont beaucoup plus simples, mais les graphologues n'ont aucun doute sur l'expéditeur. Enfin, le 24 avril 1978, la toute dernière missive arrive sur le bureau du journal. « Cher rédacteur en chef, c'est le Zodiac qui vous parle. Je suis de retour parmi vous. » Je suis maintenant en contrôle de toute chose, votre dévoué. Même si les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un faux, l'enquête ne s'arrête pas, car une question reste toujours en suspens, et c'est la principale désormais. Qui est le Zodiac Killer? ...2500 personnes sont interrogées. Certaines sont fortement soupçonnées, mais rien que jamais leur sans que jamais leur culpabilité ne soit établie, et les rumeurs les plus farfelues circulent. Les uns accusent leur beau-père, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au portrait robot, ça tombe bien pour certains. D'autres soupçonnent carrément leur père. Il a la même écriture que Zodiac, disent-ils. Le tueur fascine, au point d'inspirer des copycats, oui, des tueurs imitateurs. L'un d'entre eux, apparu à New York en 89, fait les gros titres de toute la presse. Mais il est rapidement identifié comme imitateur. Un homme, pourtant, fait figure de suspect idéal. Physique, démarche lente et lourde, ce sont les marqueurs du Zodiac. Et puis, ses obsessions sont celles du Zodiac. Et, cerise sur le gâteau, son parcours de vie suit celui de qui vous savez. Pendant 20 ans, les enquêteurs vont ainsi chercher des liens entre le meurtrier et cet homme qui clame sans discontinuer son innocence. Ils ne m'ont pas arrêté parce qu'ils ne peuvent rien prouver. Je ne suis pas ce satané Zodiac. Excusez-moi. 22 ans d'accusation. En 1991, Arbor Late Allen, vétéran de la marine condamné pour abus sur mineurs, répond au journaliste de Michael Finney de Channel 7. Je ne suis pas Zodiac. Pourtant, tout l'accuse. Même son frère Ron, qui signale aux autorités qu'en plus d'avoir un comportement étrange avec les enfants, Arthur possède une montre Zodiac, dont le symbole est un cercle croisé, le même que celui du tueur. Quelques jours après avoir reçu cette montre, il aurait même dit à son meilleur ami « J'aimerais tuer des couples au hasard, puis narguer la police avec des lettres détaillant ses crimes. Je signerai avec le symbole de ma montre et je me ferai appeler Zodiac. » De surcroît, il était fasciné par l'idée de chasser les humains. Plus difficile à chasser que les animaux car, dit-il, ils ont l'intelligence. Lors d'un interrogatoire de police en 1971, Allen raconte que dans sa jeunesse, un livre l'a fortement marqué. The Most Dangerous Game, qui traitait de la chasse à l'homme comme on fait la chasse à un animal. D'après les déclarations de proches, Allen était en possession de codes comportant des symboles identiques à ceux de Zodiac, bien avant qu'il ne sévisse. En outre, il était connu pour utiliser les mêmes orthographes et formulations inhabituelles que celles utilisées plus tard par Zodiac, comme par exemple « Merrysmas », Christmas avec deux S au lieu d'un seul. Pour l'illustrateur Robert Gray Smith, qui travaillait au San Francisco Chronicle à l'époque des faits, Zodiac est devenu une véritable obsession et Arthur Allen Lane son incarnation. Après les années d'enquête, il regroupe alors toutes les archives, témoignages, analyses scientifiques et autres rapports de police dans un livre intitulé « Zodiac ». 500 pages, s'appuyant parfois sur des lettres anonymes accusant nommément Arthur Late Allen. Quand on lui parle d'un de ses informateurs qu'il accuse, le suspect se défend. Je sais qui est ce mec. Je n'ai jamais parlé avec lui, je n'aime pas les punks. Quand j'ai dit ce type doit être sur la sellette, on m'a dit « Oh non, non, il a juste téléphoné et donné volontairement cette information. » Le jour suivant, j'ai parlé à un autre policier qui m'a confirmé que ce type essayait de négocier un accord parce qu'il risquait 30 ans de prison pour de multiples vols à main armée. En 2002, une analyse ADN pratiquée sur les lettres expédiées par le Zodiac disculpe Arthur Lee Allen. L'homme n'aura pas l'occasion de réagir à cette nouvelle. Il est décédé d'une crise cardiaque 10 ans plus tôt, à l'âge de 58 ans. Mais il aura vécu 22 ans comme étant le tueur du Zodiac. 2 ans plus tard, en avril 2004, la police de San Francisco clôt officiellement l'affaire, bien que l'identité du tueur demeure inconnue et qu'il n'existe pas de loi de prescription pour le meurtre. L'affaire reste donc ouverte dans le comté de Napa et de Vallejo. Zodiac affirmait avoir tué 37 personnes. Officiellement, on lui en attribue 5. Certains cold cases sont résolus grâce aux avancées scientifiques, la génétique notamment, et plus récemment grâce à l'ADN par parentèle. Pour ce qui concerne le Zodiac, les recherches scientifiques n'ont permis que d'éliminer les suspects, mais jamais de trouver le coupable. Alors une seule issue semble possible, résoudre les codes. Car dans ces grilles énigmatiques, le criminel a glissé des indices, mais surtout, selon lui, son nom. Le samedi matin, nous avions une idée assez claire de ce que signifiait tout le message. J'ai immédiatement contacté le FBI qui m'a confirmé en quelques minutes que nous avions pour la première fois trouvé la solution. Une des premières phrases était un indice important. Ce n'était pas moi que l'on entendait à la télévision. Quelqu'un s'est donc fait passer pour le Zodiac lors de l'émission de télé en 1969. C'est ça qui a créé le déclic. C'est là que je me suis dit « Ok, donc tout ça c'est bien réel ». Et à ce moment-là, mon cœur a tout simplement cessé de battre. Il essayait de provoquer une réaction auprès des gens, de manipuler leurs émotions avec le personnage qu'il s'est construit autour de ses crimes. Le 12 décembre dernier, 51 ans après la découverte des messages codés, le San Francisco Chronicle annonce que le code Z340 envoyé en 69 par le Zodiac vient d'être déchiffré par trois amateurs, un Américain, un Australien et un Belge. Un espoir pour les autorités, pour les familles des victimes, mais aussi pour d'autres cold cases. Car plus les énigmes sont résolues, plus l'étau se resserre autour de lui. J'espère que vous vous amusez bien en essayant de m'attraper. Ce n'était pas moi dans l'émission de télé. Je n'ai pas peur de la chambre à gaz, car elle m'enverra plus rapidement au paradis. J'ai maintenant assez d'esclaves pour travailler pour moi, alors que les autres n'ont rien quand ils arrivent au paradis. C'est pour ça qu'ils ont peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur, car je sais que ma nouvelle vie sera facile au paradis. La vie, c'est la mort. Malheureusement, dans ce message, aucun nom n'apparaît. 50 ans après son tout premier meurtre, l'identité de Zodiac est donc toujours inconnue. Mais deux autres codes restent encore à déchiffrer. Et en premier lieu, celui qui donnerait l'identité du tueur. Or, pour l'instant, ce message, c'est « Mon nom est personne ». So cruel is it to be hard, easy to become? How can people have no feeling? How can they ignore their friends? Easy to be proud. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du Zodiac dont nous allons parler avec notre invitée Corinne Herman. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocate à Paris, vous suivez, c'est intéressant, les affaires criminelles au sein d'un pôle spécifique qui traite les affaires anciennes et non résolues. En anglais, on les appelle les cold cases, qu'on traduirait littéralement par affaires froides. Alors, ce sont des affaires judiciaires non élucidées, classées sans suite. Est-ce qu'il faut que l'affaire soit aussi classée sans suite pour qu'il y ait cold case ? Alors, il faut déjà qu'elle soit ancienne et que la justice l'ait abandonnée, que ce soit un classement ou un non-lieu, c'est la même chose. Il faut que la justice ait laissé tomber cette affaire-là pour qu'on parle d'affaires non résolues et de cold case. Un cold case n'étant jamais par définition complètement cold case, puisqu'il suffit d'un supplément d'information, y compris par le hasard, et souvent d'ailleurs par le hasard, et c'est reparti, et on n'est plus dans un cold case. Alors c'est pas si simple que cela, non, parce j'imagine. Que notre législation est très compliquée. En tous les cas, les victimes d'elles-mêmes peuvent pas relancer un dossier, il faut qu'elles passent par le parquet, que le parquet accepte de revoir le dossier, il faut qu'il y ait des éléments sérieux et nouveaux. Donc ça n'est pas très simple, et la définition en France est très fixée. En tous les cas, ce sont des affaires criminelles non résolues, et ça semble naturel de les reprendre, on ne comprend pas qu'on ait besoin de discuter pour ça. Mais oui, parce que soit c'est un échec de la justice et de la police qui n'ont pas atteint leur objectif, soit c'est parce que le crime parfait existe peut-être. Alors je dirais qu'en matière de cold case, le crime parfait n'existe pas puisqu'on sait qu'il y a un crime. Ouais, on sait qu'on a un crime. Le crime parfait, c'est celui qu'on ne connaît pas pour moi. Absolument. Mais on sait qu'il y a un crime, donc on sait qu'il y a un ou plusieurs criminels, donc une urgence, et pourtant la justice abandonne. Donc c'est ça la problématique chez nous. Alors, on va reparler de ce cas précis, mais je voudrais continuer à parler de façon plus générale de ce qu'on appelle donc les cold cases. On va l'acception cold case, hein, on sait maintenant exactement ce que ça veut dire. Et puis alors, dans cet élément dans lequel vous travaillez, cette structure qui suit les affaires criminelles, c'est au sein d'un pôle spécifique. Alors, quel est ce pôle spécifique de qui dépend-il, où est-il installé, qui l'anime? Un pôle spécifique dans le cabinet d'avocats, où plusieurs avocats travaillent uniquement sur des cold cases et des affaires non résolues, et uniquement pour les familles, c'est-à-dire pour leur amener une réponse, pour essayer d'identifier les auteurs de ces crimes. Et il y en a plusieurs en fonction du nombre d'avocats qui existent en France, c'est-à-dire que dans certaines études, nous, on est les seuls, mais beaucoup d'avocats pénalistes travaillent sur des affaires non résolues. On peut parler de l'affaire Grégory, par exemple, qui est la plus célèbre. Nous, on en a à peu près 75-80 au cabinet, donc beaucoup d'affaires non résolues. On a des demandes plus d'une centaine par an, donc il y a beaucoup d'affaires non résolues en France, et donc beaucoup de criminels derrière. Bien sûr. Un groupe de travail a été mis sur pied, c'est ça, en juillet 2019. Alors, 15 personnes, avocats, médecins, psychiatres, policiers, gendarmes, pour travailler sur l'amélioration du traitement des affaires non résolues. Que préconise ce rapport qui a été remis en mars dernier à la Chancellerie? Oui, on faisait partie de cette commission, en tout cas Didier Sauvan, qui est au cabinet, qui travaille avec moi sur ces dossiers, et faisait partie de cette commission. Ce qu'elle préconise, c'est déjà d'avoir une autre approche des cold cases. Et je dirais, c'est une première en France, depuis que nous, on travaille sur ces affaires, d'entendre des magistrats qui reconnaissent qu'il y a des affaires non résolues. Donc la justice accepte de reconnaître qu'elle a des affaires non résolues et qu'il faut impérativement les reprendre. Et elle propose aujourd'hui de modifier le code pénal, c'est dans le projet de loi qui va présenter le garde des Sceaux, de confier ces affaires-là à des cellules spécialisées, des magistrats spécialisés qui sont interrégionaux aujourd'hui. Nous, on est un peu contre ce système-là. On voulait que ce soit un pôle spécialisé à Paris, de magistrats spécialisés que dans les cold cases, parce que ce sont des techniques particulières. Néanmoins, au moins, on a pris conscience de l'existence de ces dossiers, c'est impératif. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à apporter d'abord des réponses aux proches des victimes, c'est ça? Plus que la gloire de finalement arriver à comprendre ce qui s'est passé, trouver le coupable. L'objectif, c'est eux, c'est proches des victimes? Non, je crois que l'objectif des magistrats et leur conscience, c'est qu'il y a des criminels qui sont à notre contact, que ces criminels sont dangereux. On le voit dans l'histoire du Zodiac, on voit ce jeu pervers auquel il va jouer. On a nos propres tueurs en série, on a aussi des tueurs qui ne sont pas forcément des tueurs en série, qui peuvent être des violeurs en série ou des multirécidivistes, et même des gens qui ont agi qu'une seule fois, ce sont des criminels qui sont à notre contact. Et plus on a de cold cases, plus on a d'affaires non résolues, plus on a de chances d'avoir parmi ces affaires des tueurs en série récidivistes ou des criminels qui sont à notre contact. Et c'est ça, je dirais, l'urgence de ces dossiers-là, c'est d'intercepter la route de ces auteurs-là avant d'amener une réponse aux victimes, qui est essentielle évidemment. Mais la première chose, c'est de nous protéger tous. Et puis aussi d'éviter les horribles erreurs judiciaires comme celle qu'a subi Patrick Dils, par exemple. Bien sûr, éviter ces erreurs judiciaires, évidemment. Voilà, parce qu'il n'y a pas aussi que le fait de nous protéger, il faut nous protéger des erreurs judiciaires. En démocratie, c'est la chose la plus douloureuse qui puisse arriver à un homme ou à une femme. Quels sont en France les cold cases, donc les affaires non résolues sur lesquelles vous travaillez? Pas toutes, hein, quelques exemples. Non, quelques-unes, mais la plus célèbre, après Michel Fourniret, Monique Olivier, l'affaire Estelle Mouzin et d'autres, puisqu'on en a quatre actuellement en instruction. C'est qui la quatrième? La quatrième, c'est Lydie Loge, la dernière victime qui vient d'être identifiée par l'ADN, c'est-à-dire des scellés qui ont été faits dans son fourgon, dans le fourgon du couple. Un ADN a parlé, c'était celui de cette victime ignorée. Et il y a aussi le grillé qui ressemble plus à ces anciens tueurs en série dont on peut parler aux États-Unis, qui est le tueur du grillé, dont on a le portrait robot, dont on a l'ADN, mais qu'on n'arrive pas à identifier, et où on a trouvé son ADN sur 8 scènes de crime. Alors ce ne sont pas 8 meurtres, il y a des victimes qui ont échappé. Ces victimes l'ont décrit, ces victimes ont permis d'établir un portrait robot et il est cherché depuis 30 ans en France. Il est un peu plus proche dans son fonctionnement de ces anciens tueurs en série qu'on recherchait et qui étaient très médiatisés. 4 exemples qui ont été traités sous forme d'histoire, maintenant que vous connaissez, dans Affaires Sensibles. On les connaît toutes les 4. Ces histoires, on va reparler maintenant dans 2 ou 3 minutes de Zodiac, hein, le personnage principal de l'histoire que nous avons raconté. À tout de suite. Et Georgia, Waves of Devotion sur France Inter et dans Affaires Sensibles. Nous allons continuer notre discussion, Corinne Hermann, autour des cold cases et plus précisément maintenant autour du Zodiac. Je rappelle que vous suivez les affaires criminelles au sein d'un pôle spécifique qui traite les affaires anciennes et non résolues. Alors Zodiac, un sérieux client évidemment, quel genre de tueur en série est-il par rapport à d'autres, ou est-ce qu'il est un peu la matrice des tueurs en série? Oui, il ressemble totalement aux tueurs en série, en tout cas de ces années-là, et de nos tueurs modernes aussi, dans son ego surdimensionné, dans son jeu avec les médias, dans sa communication avec les médias. Certains d'entre nos tueurs ont aussi communiqué de cette façon-là, parfois après avoir été interpellés pour correspondre aux personnages terribles que les médias ont dressé d'eux. Pour impressionner, c'est une façon pour eux d'avoir le pouvoir sur tout le monde, c'est-à-dire qu'au-delà du crime, il est tout à fait similaire à une bombeur, à d'autres tueurs de ce type-là qui avaient besoin de communiquer pour entretenir la légende et pour faire monter, leur cote et finalement la peur qu'ils pouvaient générer chez les autres. À partir de combien de crimes on devient un serial killer? Est-ce qu'il y a une nomenclature? Alors pour moi, dès le premier crime, on peut savoir à qui on a affaire sur la scène de crime. En tout cas, on peut le deviner pour certaines affaires, compte tenu des actes commis sur la victime ou compte tenu de la façon dont la mort a été donnée. La définition américaine des profilers, ça a été 3 crimes successifs séparés dans le temps, concernant des victimes qui ne se connaissaient pas, qui ne lui étaient pas souvent connues, mais qui ne se connaissaient pas entre elles, dans des lieux géographiques différents. Moi, je dis que dès le premier crime, on sait à qui on a affaire dans certains cas, compte tenu des actes commis. Donc voilà, il y a la définition plus ou moins officielle, et la définition des professionnels, on le voit très vite. Quels sont les liens, les points communs entre tous les serial killers, au-delà du fait qu'ils commettent plusieurs crimes, au-delà du fait qu'il cherche une reconnaissance, mais alors en tant que pathologie sociale. Oui, hein, certains, oui. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres points communs? Bien d'abord, ce sont des actes à connotation sexuelle, quoi qu'on en dise, ça plaît souvent pas de le dire, mais à la base, il y a une problématique sexuelle, autant psychologique que physique, et quand on va voir un peu plus loin, on les voit et on les trouve, ces problématiques-là. Et cette façon de tuer, elle a une connotation sexuelle, il le dit d'ailleurs, qu'il a plus de jouissance en tuant qu'en ayant des relations classiques. Eh bien, c'est une caractéristique qu'ils ont en commun, c'est cette façon de tuer, elle est un acte à la base, qui est un acte qui pour assouvir un besoin qui est le leur, qui est un besoin de satisfaction personnelle. Guy Georges, par exemple, entre parfaitement dans... Oui, oui, tout à fait. Et après, il faut déconnecter, il faut décortiquer tout ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Mais bien sûr, il déshabille les victimes, il coupe leur soutien-gorge, il les viole, bien sûr. Bien sûr. Donc il est clair que pour la police, l'histoire de serial killer, c'est ce qu'il y a de plus difficile, puisque par définition, c'est pas un crime qui a été commis, on essaie de savoir qui l'a commis et pourquoi, mais d'autres qui peuvent être commis et qui sont commis. Il y a des policiers qui sont spécialisés dans la recherche des serial killers. Est-ce que c'est un métier particulier dans le métier de policier? Malheureusement, non. On forme pas d'enquêteurs pour retrouver les tueurs en série en France. On a des profilers en France qui sont des profilers officiels parce qu'il y a eu une période de flottement en France avec des pseudo-profilers. On a des analystes criminels et comportementaux qui sont capables de dire s'il y a une série. Mais finalement, paradoxalement, la série est plus facile à trouver. C'est notre système qui nous empêche de les trouver. Mais finalement, quand quelqu'un recommence, il laisse de plus en plus d'indices, donc on devrait pouvoir le trouver plus facilement et le comprendre plus facilement qu'un tueur qui aurait agi qu'une seule fois. Et quelles sont les failles du système? Vous dites que c'est notre système qui permet notre pas. Notre système, parce que, et d'ailleurs c'est la commission qui a regardé les cold cases, en a tiré les leçons aussi, c'est que quand un juge est saisi d'un côté de la France et qu'un autre juge est saisi dossier, ben on va pas rapprocher parce qu'on communique pas, les enquêteurs ne communiquent pas, les gendarmes et les policiers ne communiquent pas entre eux. Et donc toute cette déperdition d'informations fait que ça leur permet d'agir et de continuer à agir sur le territoire. Voilà. C'est notre système, notre organisation administrative de la justice, et c'est pour ça qu'on demande un pôle central en France. Ça serait des magistrats et des enquêteurs qui seraient de fait spécialisés par leur travail et qui auraient une vue d'ensemble sur tout le territoire. Parce qu'un tueur en série, ça se déplace. Aujourd'hui, ils ont tous les moyens de se déplacer. On voit Fourniret, Retard du crime. Francis Saul, tout à fait. Émile Louis aussi, avec Émile son Louis, bus. Il a travaillé dans Lyon. Oui, il agit dans le sud de la France. Il agit sur plusieurs endroits. Donc ils savent, ils se déplacent. Fourniret est l'exemple le plus éclairant aujourd'hui. Il était tout le temps sur les routes. Et évidemment, rapprocher un meurtre à Charleville-Mézières et un meurtre à Nantes ou un meurtre dans Lyon, et ben, ce ne sont pas les mêmes magistrats, ils ne vont pas rapprocher les éléments. Dernière chose, aux USA, les cold cases font l'objet de recherches aussi par des particuliers qui créent des sites, des blogs très actifs en ce qui concerne le Zodiac. Il y a zodiackiller.com. Alors c'est non seulement une source d'information incroyable, mais surtout un lieu où le modérateur, il y a un modérateur ou plusieurs, réceptionne des témoignages, des informations, de nouvelles preuves. Ça permet d'avancer forcément, ou ça peut créer des fausses pistes face à d'autres personnes qui sont des policiers et eux des professionnels. C'est souvent, ça met en place souvent des écrans, parce que ces tueurs attisent l'attention de plein de gens qui eux-mêmes assouvissent leurs propres dérives. Il y a des groupes en France, il y a des groupes sur Internet, sur Facebook. On perd beaucoup de temps à traiter les informations qui viennent de certains de ces groupes, qui s'improvisent analystes, mais qui n'ont pas la teneur du dossier. Là, on a des personnes qui ont analysé dans le Zodiac des lettres avec des éléments scientifiques. Mais en France, on n'a pas accès au dossier. On a même des chaînes YouTube, des jeunes qui viennent commenter et raconter n'importe quoi. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Merci infiniment, Corinne Hermann. Ce sera le dernier mot. Merci pour toutes vos précisions. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Zodiac, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.